Ok, check. Cinéma. Méloman, méloman. Un faux mic, un faux mic. Check, yo, yeah, ok. 1, 2, 1, 2, qui veut test au micro? Dans le sang, j'ai le talent et un zeste de nitro. Je veux qu'on m'écoute, donc je rappe comme il faut. À côté de moi, ces troupeaux de rappeurs paraissent si faux. Leurs sons finissent tous dans le fond d'un siphon. Y'a plus rien quand t'as pressé tout le jus d'un citron. Pour eux, c'est pareil, dans le meilleur cas, ça stagne. Mais souvent, ça régresse quand la flemme s'installe. C'est vrai, de nos jours, y'a trop de clones de Booba. Ça rappe à tout va, moi je préfère Youssoupha. Ce gars, honnêtement, qui m'inspire à vraiment progresser quand tous les autres le font s'engraisser. Alors j'essaie de garder le cap, de rester dans le sillon du mec qui brille par ses sons et non par ses millions. Quel putain d'effet, cet effet papillon, quand t'écoutes et que tu ressens des frissons. Fidèle à mes fans, autant qu'à ma femme, je produis toujours du rap incontestable et non détestable, c'est donc une escale. Jamais je ne monte sur mon piédestal. Mets-toi confortable, les pieds sous la table. T'as juste à mettre play, glisser sur la vague. Tu jouis sous la vague, de rimes que t'avales. Tu souris en amont, c'est que tu kiffes en aval. Dommage que peu de gens s'intéressent aux paroles. Des chiffres m'effacent, tu verras que chaque mot a son rôle. Plus ou moins drôle, mais diversifié. J'adore cette phase de recherche où le texte n'est qu'encore qu'une ébauche, à peine esquissée par une main gauche de plus en plus aiguisée. Je viens te briser dans tes idées reçues. J'en ai marre que le rap on vienne cracher dessus. J'avoue qu'il y a beaucoup de déchets, tout comme toi ça me fait chier. Surtout qu'à cause de j'suis fiché. Frappe donc au guichet, si tu veux du conscient, t'en resteras bouche bée, car l'album c'est du 200%. Et tu sais comme on dit, qui ne dit mot qu'on sent. La sueur de mon art, j'espère qu'on la sent. Et même si c'est pas le cas, je serai pas menaçant, car je sais que je reste fidèle à mes fans, autant qu'à ma femme. Je produis tout toujours du rap incontestable et non détestable, c'est donc une escale. Jamais je ne monte sur mon piédestal. Mets-toi confortable, les pieds sous la table. T'as juste à mettre play, glisser sur la vague. Tu jouis sous la vague, de rimes que t'avales. Tu souris en amont, c'est que tu kiffes en aval. Ok, ok, ok, check. Beaucoup jugent sur l'instru, sur le style ou le flow. Mais moi ce que je regarde avant tout c'est les mots. Car mieux vaut poser à deux à l'heure un récit réfléchi plutôt que de poser à toute allure tout un tas de conneries, pense-y. Fidèle à mes fans, autant qu'à ma femme, je produis toujours du rap incontestable et non détestable, c'est donc une escale. Jamais je ne monte sur mon piédestal. Mets-toi confortable, les pieds sous la table. T'as juste à mettre play, glisser sur la vague. Tu jouis sous la vague, de rimes que t'avales. Tu souris en amont, c'est que tu kiffes en aval. Check. Tu souris en amont, c'est que tu kiffes en aval. Ok. Un rap pur et peace, man qui résiste. Mais le man à faux mic, le lyriciste. Un rap pur et peace, man qui résiste. Mais le man à faux mic, le lyriciste. Un rap pur et peace, man qui résiste. Mais le man à faux mic, le lyriciste. Un rap pur et peace, man qui résiste. Mais le man à faux mic, le lyriciste.